savoir quel chemin il faut prendre. Quand les espoirs semés sont fanés, si tout a été essayé sans rien donner, si on ne peut plus espérer réaliser ses projets, quand on ne peut plus rêver, doit-on continuer? Dans l'autre sphère, au petit matin, ne plus croire en rien et comprendre que l'heure a sonné enfin sans plus attendre, de croire au destin et se vendre au guide du dernier chemin à prendre.